Mes mixtapes sont dans la rue, les huissiers me réclament du pif. Le rap français, lui, a besoin d'un nouveau laxatif. Je suis du nombre de ceux qui ne craignent pas les hommes. C'est ma guise à recrache du dioxyde de carbone. Ils sont nombreux à enregistrer des disques, mais tellement peu à faire de la musique. Pour me comprendre, monte à l'époque des manuscrits, bien loin de la crise du disque et de son industrie. Les vis cartonnés, élastiques au poignet. Attention, discret comme l'homosexualité de François Fillon. Les négros n'ont pas saisi la France. Les maisons disques les endorment avec des petites avances. J'enregistre 2, 3, 4 mic step quand j'ai le temps. Et puis, je fais des hits quand ça me prend. Parce qu'ils sont nombreux à avoir tort, ils pensent qu'ils ont raison. Mais le feu est pavé de bonnes intentions. Personne ne court après les balles, on les déplace. Ils disent qu'on est fêlés, MKZ on déplace. Nuages de fumée, les stratégies étaient efficaces. Mieux compter les billets, discrètement on baisse l'industrie. Personne ne court après les balles, on les déplace. Ils disent qu'on est fêlés, MKZ on déplace. Nuages de fumée, les stratégies étaient efficaces. Mieux compter les billets, à pied sur le terrain, pied dans la cabichou. L'industrie ferme ses portes, coup de forceur gros. Les mêmes têtes, les mêmes fils, les mêmes clashs qui ne valent rien. Le même public qui demande toujours le même numéro. Apprendre ou à laisser les mots qui le font défaut. Quelque temps qu'on prend un bif et quand y'a rien à faire, j'bouffe et c'est tout ce qu'on sait faire. L'industrie est ménopausée, on reprend le graisse. Maki Maki dans le okay, okay, okay. Même si ça te gêne, nos gueules sur une bannière, t'aimes pas le mag. Mais quand tu cliques, y'a de l'oseille qui rentre quand même. Un pied dans la toile, les carrés vip, les femmes fraîches. Des textes, re, des beats, mou, c'est tout ce qui vous reste. Le bif, que ça dans la bouche, des cailloux dans les fouilles. Ça fait de la mag médiatique pour rassembler les foules. Débite ma part de vos bénéfices, mon feu fera le reste. Tu veux le disque d'or, fuck la major qui va avec, qui va avec. Discrètement, on baise l'industrie. Personne ne court après les balles, on les dépasse. Ils disent qu'on est fêlés. MKZ on déplace, nuages de fumée. Les stratégies étaient efficaces. Mieux compter les billets, discrètement on baisse l'industrie. Personne ne court après les balles, on les déplace. Ils disent qu'on est fêlés. MKZ on déplace, nuages de fumée. Les stratégies étaient efficaces. Mieux compter les billets, discrètement on baisse l'industrie. La vie du disque, je m'en bats, tu me parles, je m'en tape. Tous ces MC, négro, tout ce qui se passe sous la table. Une équipe organisée, je regarde tomber l'espace. Des terres à vendre qu'on parlait de ses amis sur Mike. Les ennemis te bougent, bougent, tu rattrapes le mouvement. Mais là ça y'a pas de move, y'a peu de youve, y'a que des yeux. Des rappeurs qu'on a dans l'estomac n'a pas de billet. Surprends-les à dormir un con d'homme sous l'oreiller. De plus usagers, certains n'ont pas un rond. L'industrie les tracasse seul quand le public ronfle. Hors des peuclis différents du bon char. Un sourire le RAP me rappelle la belle et le clochard. Mais cette industrie, c'est du rap, pas de la musique. La drogue, du marolanda mixé au Nico Belli. Tu penses que tu veux les spots et la gloire, c'est des ambitions de fiotte. À nous l'histoire, fais ce que tu peux. Personne ne court après les pas, on les déplace. Dis ce qu'on est fêlé, même quand c'est donc déplacé. Arrêtez les mystères, carré mon pote, c'est en France. Parce que tu m'as qu'à ça, comment ça. On baisse l'industrie. Personne ne court après les pas, on les déplace. Dis ce qu'on est fêlé, même quand c'est donc déplacé. On écoute toujours la même merde, la même merde. On est en France, c'est en France. Discrètement, on baisse l'industrie. Alors, petit merde, tu vas me l'acheter cette cam ou pas? J'ai 45 minutes. Tu les as sur toi? Je les ai sur moi. Tu veux les papiers? Apporteur. Qu'est-ce que tu fais là? Apporteur, qu'est-ce que tu fous? Tiens, ça fait 45. Ah, attends, tu dis quoi? T'en as compris. Hey. Si, il y en a pour 45. Tu fais de la cul, tu te bats le cul, bordel.